franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Annie Girardot. Jacques Chancel. Annie Girardot, vous êtes entre toutes la comédienne chère aux Français, et tout cela parce que vous avez su jouer vraiment un nombre incroyable de rôles et parce que vous êtes celle qui fait partie de la famille. Alors je voudrais savoir comment vous vous considérez. Comme faisant partie de la famille? Oui. Bah oui, c'est vrai. Parce que je donnais de voir tout le temps dans la rue ou dans un avion, ou enfin n'importe où. Et je pourrais même vous dire, dernièrement, je suis allé à Moscou et je vous raconterai une chose extraordinaire, c'est que... Racontez-moi tout de suite. Ah, je vais vous raconter la Russie, justement, parce que la famille, elle va très loin, vous voyez. Je savais que en Russie, bien sûr, ils voient les films, ils aiment beaucoup d'ailleurs les Français, beaucoup les films étrangers, etc. Et j'étais allé à Moscou il y a 22 ans pour faire juste un petit truc dans un film de Gerasimov qui s'appelait Le Journaliste. Et à ce moment-là, c'était donc Brejnev et tout, donc j'étais enfermé dans l'hôtel ukrainien et puis voilà. Et là, il y a de ça, disons, 3 mois, à peu près, je reçois un télégramme de l'Union soviétique, je regarde et on me dit, voilà, on souhaiterait beaucoup, Madame Girardot, pour faire un film. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et bon, et puis j'ai pas le temps, mais je dis, voulez-vous voir, je dis à mes agents, voulez-vous voir, ah bon, vous avez un télégramme, bon, et on se renseigne, et enfin, je reçois, et voilà, c'est donc l'histoire d'une Française, qui a donc vécu, je sais plus, dans les années 30, etc. Jeune fille, jeune pianiste, pleine de talent, qui connaît dans une soirée un diplomate soviétique, et qui, il s'épouse, il s'aime, et il l'emmène à Moscou. Et quand elle arrive à Moscou, évidemment, le régime a changé, c'est Staline, etc. Et il arrête tous les diplomates, enfin tous les gens qui étaient défenseurs de Staline, il le fusille. Et elle est emmenée en Sibérie pendant 20 ans. Où elle a passé 20 ans. Elle est donc sortie en 53 au moment de Khrouchtchev. Voilà. Et donc cette femme... Et c'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie, oui, oui. Et donc, ce qu'elle a fait, sans les as, c'est qu'elle est sortie donc son mari était mort, elle a vécu... Elle n'a pas pu faire de musique pendant 20 ans. Et alors, elle s'était construite, hein, vous savez, sur le rebord de la fenêtre. Mmh. Elle s'était mise avec un des crayon. Touches. Et, des touches. Et elle a travaillé sa musique comme ça. Donc, j'arrive à Moscou. On ne savait pas qui il faisait, qui est. C'est pour les communications, vous devez connaître. C'est assez difficile. Très bien, oui. Enfin bref, je suis parti. Je n'avais pas de contrat. Je n'avais pas le visa. Je n'avais pas de billet. Et on m'a dit d'un seul coup, vite, il faut que tu partes. Mais je lui ai dit, comment on fait? Je suis parti. Je suis arrivé à Moscou. Et puis j'ai attendu un long moment, les bagages et tout, et puis finalement j'ai vu le metteur en scène qui est venu avec, et puis toute l'équipe après qui attendait derrière. Et voilà, j'ai eu des fous, c'est-à-dire que j'ai regardé ce metteur en scène et je lui ai dit, avec le petit interprète, je lui ai dit, écoutez, il n'y en a qu'une qui pouvait venir, c'était moi. Et il m'a dit, il n'y a que nous, parce qu'on est assez fous pour vous avoir fait venir, parce que c'est quand même eux qui ont voulu de moi, comme ça c'est une folie. Mais extraordinairement, c'est que dans les rues de Moscou, ou dans un restaurant, ce qui m'a frappé le plus... Ce sont les jeunes, bon, des gosses de, tu vois, 17, 18 ans, bon. Et qui m'appelait Annie, et qui m'apportait les trois œillets rouges. Et ça, tu t'aperçois, c'est pour ça ce que je dis dans les... C'est vrai que tu as fait quelque chose, tu as dit quelque chose, et ben, même ceux-là, qui ont vu les films après, parce que ça fait quand même 5 ans, je ne tourne pas vraiment... Eh bien, ils sont là, et tu les connais, et ils sont tous... Mais c'est fabuleux. Et ensuite, les potentialités, le nombre de spectateurs qu'il peut y avoir en Russie, d'ailleurs, ah, en bah ce c'est moment. Étonnant. On fait toute une série sur les films de Belmondo, et vous êtes très, très connu en Union soviétique. Alors justement, il y a un livre, et d'avoir Annie Girardot, bravo, parce que on sait un peu ce que peuvent être les livres, disons, de vedettes, de comédiens, qui racontent un tout petit peu leur vie. Là, c'est tout à fait autre chose, parce que vous êtes engagé totalement, vous videz le cœur, vous dites des choses... Ça s'appelle « Vivre d'aimer ». D'abord, c'est un beau titre, et puis ça veut dire ce que ça veut dire. Pourquoi je fais partie de la famille? Vous posez la question et vous répondez. Tout ça parce que je vous représente. Je suis votre cousine, votre tantine, votre maman, votre fiancée. Je n'étais pas à la mode il y a 20 ans, j'étais à ma mode, à moi, qui est celle d'aujourd'hui. Et vous ajoutez, vous dites encore, vous écrivez, j'ai été juge, avocat, chauffeur de taxi, flic, chirurgien, une femme qui luttait contre le cancer, une femme qui mourait d'aimer, une femme toute simple qui essayait de concilier son boulot et son enfant. Vous n'êtes pas venu voir une vente belle, irréelle, mais une femme, tout simplement. J'ai toujours fait mon marché, mes courses, mon ménage. Je n'ai jamais été une star veloutée, mais une femme qui s'assume depuis toujours. Et ça, on y croit parce que c'est la vérité. Oui, c'est vrai. Si j'ai pu écrire, c'est parce que j'étais libre dans ma tête. Finalement, c'était très simple d'écrire. Alors que, contrairement à ce que je pensais. C'est-à-dire que je ne peux écrire que sur une émotion, c'est vrai. Présente, et finalement, j'ai découvert que je pouvais aussi d'écrire celles qui étaient passées. Alors Annie Girardot, il y a, je ne sais pas, 70-80 films, je n'ai pas fait exactement le oui, compte. Oui, peut-être plus même. Peut-être plus. Oui. Et souvent, parfois en tout cas, la carrière brise la vie. Et vous avez souffert de beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, il n'est pas question de faire le point, vous êtes une comédienne, vous êtes engagée dans ce métier-là, et vous n'êtes pas de celles qui regrettent. D'abord vivre. Oui, bien sûr, ah, bien vivre. Sûr, d'accord. Hein, ouais. Quitte à baver, quitte à souffrir. Tu peux pas faire autrement. Si on pouvait faire autrement. Mais ouais. On peut pas. C'est pas possible. T'es toujours obligé à un moment. Tu dois passer par la passerelle. Là, bon, bah, il faut y aller. Faut essayer que ce soit plus joyeux, quoi. C'est alors, vrai. Vivre d'aimer, ce ne sont pas des souvenirs de comédienne avec l'histoire des films, non, des partenaires parce que de cinéma. Quoi, oui, si, si. Ils j'en parle sont, parce que je parle du cinéma quand mais même. Mais ce sont des états bien. D'âme et non oui. Seulement des états d'âme d'actrice, mais des états d'âme de femme. Oui, c'est vrai. Comme quoi, on y revient souvent quand même. La difficulté qu'il peut y avoir entre la femme. Et l'actrice. Et ça n'est fait, pas facile. J'ai comme toutes les autres femmes. J'ai un petit peu plus de chance qu'elles parce que je peux me permettre quand même certaines choses qu'elles ne peuvent pas. Parce que c'est difficile entre une femme, entre concilier l'enfant, le mari, le boulot, le machin. Et c'est vrai que c'est très difficile. Mais Annie Girardot, dans ce livre, Vivre d'aimer, on retrouve des sentiments que beaucoup partagent. Par exemple, j'en reviens un petit peu encore aux médias, à la presse, disons aux rumeurs. Il y a une page où c'est vraiment comme un round de boxe. Ah oui, le premier oui, round. J'ai voulu faire un parallèle, justement. On dirait l'agonie d'une petite fille au Mexique. Deuxième round, sur le vif, le fils de Romy Schneider sur son lit de mort. Troisième round, le japonais cannibale raconte comment j'ai dévoré l'étudiante en médecine. Quatrième round, Isabelle Adjani a le sida. Cinquième round, Isabelle est morte. 20e round, Bernadette Lafont monte un coup publicitaire pour la sortie de son livre. 30e round, Pauline Lafont, droguée, est enfermée dans un asile. 50e round, le corps de Pauline Lafont retrouvé dans un gouffre. La mort est suspecte. 100e round, exclusif, les cadavres du Liban, les tripes à l'air. C'est-à-dire que vous n'en pouvez plus de toute cette violence, de toute cette oui. Rumeur, de, tout, je de, pense que la de violence, tous ces ragots. Justement. Hélas, le Liban... Ce ne seront pas des rumeurs, non. Ce ne sont pas des ragots. Mais j'ai pas dit que c'était des ragots. Mais c'est le 100e round. Oui. Voilà la vérité. Oui, mais comment se fait-il voilà. Qu'aujourd'hui, quand même, à un moment, il y a une prise de conscience et que les gens se disent, non, de Dieu, arrêtez! Parce que c'est ce qu'on se dit. On dit, il continue encore, mais arrêtez cette folie. Et c'est pas la faire arrêter que de montrer ça en grande page et de montrer les accidents et les machins. C'est pas arrêter la violence. Au contraire. Et c'est justement ça que je veux dire. Et si je fais un parallèle dans ce que tu prends dans la gueule, toi, et si je dis le coup de poing, le percute, il tombe au tapis, pour moi, c'est la moquette. C'est-à-dire que moi, j'avais pas de tapis, mais ma moquette, mon oreiller, je les ai pris. Je veux dire que j'ai fait un parallèle. Et je pense que c'est bien, parce que c'est scénique. C'est-à-dire le parallèle d'une violence qui est, bon, par rapport à un spectacle, ou par rapport, tu ne sais pas, très important, ou par rapport à des horreurs qu'il y a, elle est la même. Il y a la même violence, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Alors, je me demande, Annie Girardot, si vous ne regrettez pas un peu cette enfance que vous racontez. Nous habitions à deux pas de l'usine de Caen, où ma mère avait été engagée comme sage-femme. Les bombardements, on connaissait le hurlement des sirènes, le sifflement, l'explosion des bombes. Mais vous étiez quand même protégée à ce moment-là, non ? Ben oui, c'est-à-dire qu'on n'y réfléchissait pas. Aujourd'hui, je devrais vivre ça avec la peur au ventre comme ça. Je ne pourrais pas, je serais incapable. Et puis il y a cette écriture que j'aime. J'avais un dindon qui chaque matin gloussait devant la porte et auquel je répondais moi aussi en dindon. Je voudrais savoir comment vous parlez c'est ça, dindon. C'est ça, oui. Oui. Oh, moi, je parle de ce qu'on veut. Les poules se baladaient sur le tas de fumier. Je cherchais les œufs dans le foin et je lavais le linge dans la mare aux grenouilles. J'avais appris à traire les vaches. Ouais. Ça manque ce temps-là ? Ben oui. Vous savez que moi j'ai une envie, de plus en plus d'ailleurs. C'est que finalement, bon, je suis né à Paris, bon, je suis venu en Normandie, bon, parce que maman y était, on a eu le débarquement, etc. Mais là-bas, j'avais un petit jardin, j'avais mes fleurs, j'avais quelque chose. C'est pourquoi à Paris, ça m'a toujours manqué. Et maintenant, j'ai trouvé aussi une terrasse, une petite terrasse. Mais j'ai un besoin viscéral, je sais pas. J'avais cette maison à Cassis où on peut faire pousser quelque chose. Voilà. Si on peut pas faire pousser une pièce, eh ben on fait pousser un radis. Voilà. C'est quelque chose que tu crées, c'est quelque chose qui naît. Voilà. C'est ça que j'aime. Alors, j'ai envie de ça. Il y a cette autre phrase qui est très significative, qui permet d'aller très loin et qui permet de mieux vous cerner. Je n'ai jamais été ni une femme mariée, ni une femme libre, ni une divorcée. Je suis veuve. Ça fait drôle tout de même. Ouais. C'est de dire que oui, parce que, bon, est-ce que... Déjà, deux comédiens qui s'épousent, déjà, c'est difficile. Et c'est la mort de Renato Salvatore. Oui. Alors, je vais expliquer justement ce couple qui était quand même justement un couple pas ordinaire quand même. C'est-à-dire que épouser déjà un comédien, c'est déjà difficile. Et vous épousez un comédien et qui habite un autre pays. Italien. Bon, italien. Non, c'était pas trop loin, heureusement. Oui. Hein. Mais c'est quand même difficile. Déjà, par rapport à ce que tu as à faire, c'est très difficile. Eh bien, nous, ça, on l'a vécu très bien. Parce que on n'était pas des comédiens, on n'a jamais été comédien. Je pense que je ne le suis pas dans la vie, ni Renato, il ne l'était pas. Et ça, au moins, on avait une chose formidable, c'est quand on se voyait, parce qu'on était heureux de se voir, oui, on se disait, qu'est-ce que tu fais, je vais faire ça, qu'est-ce que tu penses. Bon, on pouvait demander à la rigueur, mais peu importe. L'important, on se disait, tiens, tu es content, tu fais ça, formidable. Et puis, c'était la môme, quoi, qui était notre point d'union, etc. Ah, ma jolie, ma petite Rital. Oui. C'est la fille, ça. Non, ma jolie, c'est maman, et ma petite Rital, la petite conne, c'est ma fille. Alors, à ma jolie, c'est maman, c'est votre maman. Ma jolie, à ma petite Rital, ça, c'est ma fille, oui. C'est votre fille. Alors, jamais femme mariée, jamais... Eh ben voilà, c'est pour dire que vivant cette vie, où on se voyait toutes les 36 du mois, etc., finalement... j'aurais voulu à ce moment-là me dire tiens mon mari n'est pas là ma foi et ben je pouvais pas parce que j'étais mariée d'accord mais toute seule mais je n'étais pas une femme libre. Par contre, à ce moment-là, si je suis une femme mariée, alors d'accord, mon mari est à la maison. Oui. Et puis, au pied, voilà, il est là. Alors là, je suis une femme mariée. Donc, je n'étais pas non plus. Oui. Donc, je n'avais aucune liberté ni possibilité d'un côté que de l'autre. Mmh. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est vrai. Alors, faisons le point, Annie Girardot, aujourd'hui, vous êtes quoi? Je suis veuve. C'est-à-dire, je suis seule. Comme dans le livre, alors, c'est vrai. Mais quand même accompagnée. Oui, je peux être accompagnée, mais l'important, c'est que tu as fait un voyage quand même. Ouais. Tu as vécu 28 ans avec quelqu'un, même si on était très amis, je veux dire. Mais à un moment, t'as un parcours quand même étonnant. Tu as la fille qui est là, je veux dire, il y a des preuves de quelque chose. Il y a un pays que tu as connu. Et la fille, elle reproche quelque chose ? C'est presque comme un homme, moi, l'Italie pour moi. Votre fille reproche parfois ? Non, pas du tout. Non. Oh, maintenant, la fille, elle a pu reprocher à ce moment-là, mais elle était très petite. Très petite. Mais vous savez, de l'autre côté, elle vivait avec une autre, avec un petit frère, enfin, un demi-frère. Et Renato Salvatore est mort. Oui. Il y a un an, voilà. Et lorsqu'on parle de l'Italie, on pense à Luchino Visconti aussi. Bien sûr. On pense à Rocco et ses frères. Je pense à plein de choses. Vous savez, Rome, je n'aime pas particulièrement. Bon, je la trouve très jolie comme ça quand on vient en touriste. Mmh. D'accord, enfin en touriste, non. Mais vivre vraiment, moi, il n'y a rien que Paris, quoi. Bon, mais cela dit, j'avais réussi finalement. Disons que le jardin, il était à Rome et le foyer et la cheminée étaient à Paris. Voilà, j'avais réussi à faire ça. Et finalement, j'avais besoin d'ailleurs de ces deux choses, d'avoir deux passeports, d'avoir... et puis voilà. Et puis brusquement, je suis amputée. C'est vrai. Je suis amputée parce que je peux aller à Rome maintenant, bien sûr, je peux y aller. Mais en même temps, ce n'est plus la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pour moi, je suis bancale, voilà, par rapport à l'Italie. Et j'en meurs d'envie d'aller la voir comme ça en cachette, en douce, comme ça je vais aller la voir. Parce qu'il y a des choses que j'aimais beaucoup, il y a des choses que je détestais. Mais c'est une présence et ça a été ma maison, ça a été mon sang, voilà c'est ça. Alors j'ai devant moi, Annie Girardot, la liste de vos films, je vais vous la prêter et vous allez me dire quels sont les films qui comptent. Les films où vous avez joué, vous, Annie Girardot. Alors attendez. Là, je parlais de Rocco et ses frères, de Luchino Visconti. Je prends des lunettes parce que vous savez que je ne vois plus rien. Parce que c'est vrai que on ne peut pas se rappeler tous les titres, surtout lorsqu'il y en a tant. Oui, mais alors, attendez, ça va aller très vite. Ouais. Alors, voyez, Très à table, c'était mon premier. C'est marrant parce que c'était mon premier film. Et puis, parce que c'est Très à table. Faut dire que c'est mon chiffre au fond. Voilà. Donc, ce qui m'a vraiment lancé, et c'est L'homme aux clés d'or. C'était en 56. Et à ce moment-là, j'étais rentré à la Comédie Française, donc en 54. Toutes les expériences. Pas mal, oui, pas mal. Mais quand même d'autres apprises sur le tard, quand même. Bon, après, j'ai fait Le Rouge Émi, Maigret dans un piège. Et ça, c'est deux films avec Gabin. C'est comme ça que j'ai connu Gabin. J'ai fait Un recours en grâce de Benedict avec... mais ça, bon, je sais pas si les gens l'ont vu et tout. Et puis, j'ai fait Rocco, donc en 60. Mais j'avais donc fait aussi au théâtre, où j'ai connu Visconti, c'est-à-dire j'ai fait Deux sur la balançoire avec Jean Marais. qui était la traduction à ce moment-là de Louise de Villemorin. Rocco et ses frères, ouais. Visconti, ça compte. Voilà, c'est là. Après, j'ai fait Le bateau des mille. Ça, c'est Julia. C'est-à-dire, c'est là que j'ai eu ma fille. Je me suis aperçu que j'étais enceinte de ma fille. Voilà. Et puis, j'ai fait La femme singe aussi, en Italie, que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un des plus beaux rôles que j'ai jamais eu. Et puis, Trois chambres à Manhattan aussi, de Carnet. Oui. Ça, c'est aussi de connaître Carnet. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et puis, est arrivé Vivre pour vivre. Lelouch. Ça, ça a été, je le dis d'ailleurs, c'était un redépart parce que finalement. Vous en parlez, oui. Oui, voilà. Il y a eu. J'ai fait aussi Erotissimo, qui a commencé déjà à être un film nouveau de premier metteur en scène, film de premier metteur en scène, etc. J'ai fait encore d'autres films avec Deminger est mort, avec Ferreri. Et puis j'ai fait les films d'Audiard. Ça, c'est aussi une autre école et tout, un autre plaisir. Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Et aussi, elle ne cause plus, mais elle flingue, etc. Et puis, il y a eu Mourir d'aimer. Voilà. Mourir d'aimer, voilà. Ça, c'est le niveau. Oui. Ouais. Il a fallu, c'est ce qu'on m'a dit, mais dis-toi compte, tu as mis tant d'années, et oui, j'ai mis 15 ans quasiment, hein, de 56 à 70. Je suis content qu'on arrive à Mourir d'aimer parce qu'il y a une relation avec ce livre, avec votre livre, Vivre d'aimer. Ouais, vivre. On a commencé d'abord par Mourir d'aimer, ouais. Et c'est une résurrection, c'est vivre après. C'est quand même mieux de vivre d'aimer que de mourir, hein. Ouais, ouais. Ben, c'est vrai, parce que de toute façon, aimer, c'est la vie. Hein. Et puis donc, après... Le Mourir d'aimer m'a... J'ai eu la vieille fille, justement. Et ça, c'est de la même. Oui. Encore un metteur en scène, un premier metteur en scène, etc. Et puis, il y a eu des beaux films que j'adore, qui étaient tournés avec Noiret, d'ailleurs, que j'aime énormément, qui étaient La vieille fille, La mandarine, Les feux de la chandeleur, Traitement de choc aussi. Mais vous avez été gâté, quand même. Mais complètement. Parce que, donnons quelques noms de metteurs en scène. On a dit Lelouch, on a dit Carnet, on a dit Visconti. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit encore ? Eh ben, il y a eu Ferreri, il y a eu Lelouch, il y a eu Kayat, il y a eu De Broca. Oui. Hein, j'en ai fait aussi avec lui. C'est une merveille, je veux dire. Molinaro. Ah oui, j'ai connu plein. Mais de je crois, Corbert, Annie Girardot, que ce n'est pas votre métier qui passe vraiment en première ligne, c'est plutôt votre vie. Bah, c'est-à-dire que je mélange les deux, ouais. Parce que finalement j'ai besoin des deux. Ce sont mes deux poumons. Hein. C'est-à-dire que si je devais, je pense que je suis faite pour une chose, je pense pour, disons, faire la postière, c'est-à-dire communiquer. C'est-à-dire que j'ai besoin de m'éclater, mais je pourrais m'éclater tout c'est seul. C'est joli, j'ai besoin de faire la postière. Ben oui, parce que finalement, en Russie, je dis que c'est la caméra, mais c'est pareil, j'ai mis la lettre à la poste. Comment il s'appelle ce film, au fait, le Il titre. S'appelle Ruth. Ruth, oui. Je ne sais pas comment... Voilà, le c'est nom. Ça. Voilà, le nom de... De l'héroïne. De l'héroïne, oui. Enfin, qui n'est pas son nom, mais enfin, qui est une transposition. Voilà. Donc, j'ai besoin de faire ce métier. Et en même temps... Ça se mélange complètement, puisque j'ai envie de vivre de la même façon. C'est-à-dire, j'ai envie de vivre chez moi et d'être heureuse, comme au cinéma, toujours, on va voir, on dit, oh oui, je suis là, je suis l'héroïne et tout. Eh ben, je veux que ce soit vrai pour eux, donc il faut que je commence par moi. C'est-à-dire que je le fasse aussi dans la vie. Voilà. Et le théâtre ? Mais le théâtre, il est là aussi, hein. Je veux dire que théâtre-cinéma, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des moments, le théâtre, tu ne peux le faire que, par exemple, avant de Madame Marguerite, qui a compté pour moi, j'étais resté 9 ans sans faire du théâtre. Pourquoi ? Parce que j'ai pas eu le temps. Il faut beaucoup de temps. Et ça valait le coup d'attendre et d'avoir Madame Marguerite. Eh oui. C'est-à-dire que tu as, à un moment, c'est une autre vie. C'est-à-dire, ça ne t'empêche pas de tourner, après, de toute façon. Mais, il est évident que la peur que tu peux avoir, exceptionnellement, parce que là, il faut dire que c'est exceptionnel, être seul en scène, c'est d'un seul coup une montagne qui me plaît. Évidemment à ravir, mais en même temps c'est une telle peur que tu ne peux pas le dépenser ailleurs, ou alors il faut attendre un petit moment. Voilà, mais c'est une telle joie, le mur du son, je l'ai dépassé. Alors Annie Girardot, l'absence, le départ imprévu, vous ne supportez pas, et vous n'avez d'ailleurs pas supporté le départ de Patrick Devers, non. Et je lis ce que vous écrivez. J'en veux à tous ceux qui ont devancé l'appel, oui. Et particulièrement à toi Patrick, tu ne devais pas le faire, tu as donné raison à la médiocrité, pire, à l'ignominie. Tu as permis à la femme de cet immonde écotier de se balader dans les salons en arborant son vison. Vous dites son vison de merde, d'ailleurs. Oui. C'est Patrick Devers qui me l'a payé avec des dommages et intérêts. Tu n'as pas compris que quand il n'y en a plus, Il y en a encore. Il y a des hauts et des bas et des difficultés, mais il y a la vie. Et la vie, vous voulez vraiment la manger, cette vie. Oui, mais bien sûr, écoutez, on est là, on ne sait pas pourquoi. Alors pourquoi voulez-vous abréger le voyage? Je veux dire, le voyage, vous savez, il est plein d'imprévus, hein. Il y a des fossés, il y a des machins. Et quelquefois, en cours de route, boum, on se perd. C'est vrai. Alors justement, parce qu'on se perd, vaut mieux pas se perdre tout seul. Mm-hmm. Vaut mieux, au contraire, attendre. Et essayer d'aller voir un petit peu plus loin comment ça va se passer. Et vous interrogez par rapport à cette mort de Patrick Devers, ce suicide. La mort, de toute façon, elle viendra. Il n'y a qu'à attendre un peu. Tu ne pouvais pas attendre. Tu n'as pas su. Tu as eu le courage de te flinguer et pas celui de vivre. Et alors là, vous dites, vous Annie Girardot, moi, quand je partirai, je claquerai très fort la porte pour bien qu'on m'entende. Comme ça, je ne partirai pas inaperçu. Oui, c'est le départ d'une comédienne, ça, c'est une sortie. Bah, peut-être. Mais de toute façon, je pense que c'est vrai en général. On part sans dire au revoir. Je sais pas, Coluche, par exemple, il est parti. Bon, lui, il est mort d'un accident, mais c'est pareil. Alors. C'est déjà triste, c'est vrai, tu as quelqu'un, tu le vois, comme ça, hop, il est mort. C'est très désagréable. Puis en même temps, moi je suis mal à l'aise. Parce que brusquement, je comprends pas, il y a une chose que je n'explique pas. Alors je pense que, déjà de vouloir la mort, alors à ce moment, faut le dire quand même, faut dire au revoir, c'est ça que je voulais dire. Puis faut pas dire au revoir, d'ailleurs faut dire bonjour, je reste, c'est ça qu'il faut dire. Je suis là pour vous créer encore des ennuis. Alors ce livre aussi est l'occasion de remercier et d'honorer une mère qui compte beaucoup, votre mère, et c'est grâce à elle que vous avez fait du théâtre. Oui, parce que je me souviens quand on était revenu à Paris après le débarquement, elle savait que je cherchais, etc. Et un jour, elle m'a dit, bah voilà, le centre d'art dramatique qui était rue Blanche, ouais, le centre de la rue Blanche. Et je me souviens, j'ai passé l'examen, c'était un 1er avril. Et c'est comme ça que j'ai voulu que mon bouquin, il sorte le 1er avril aussi. Voilà, parce que c'était une troisième naissance. Oui, mais votre mère, elle vous veut un peu star quand même. Lorsque vous passez l'aspirateur, elle vous dit, ce n'est pas un travail pour toi. Mais... Oui, hein? Maman, elle est comme ça, elle est superbe. Alors, il y a l'épisode du père aussi. Oui. Et je ne savais pas, parce que ce père, vous ne l'avez pas connu. Non. Votre mère vous l'a caché. Non, c'est pas qu'elle ne l'a pas caché. On en a parlé, puisque au débarquement, pensant qu'on allait mourir, j'ai dit qui était papa quand même. Et elle m'a dit... Vous aviez quel âge ? Au débarquement, je devais avoir 10-11 ans, un truc comme ça. Donc, vous avez quand même attendu 10 ans avant de poser la question ? 10 ans, bah, pas, non, je 6 ans quand même. Vous savez que j'ai connu maman quand même, j'avais 5 ans quand même. C'est quand même pas ordinaire. Et je me suis découvert un jour une mère et un jour un frère. Ouais. Parce qu'avant, je vivais ailleurs, je veux dire. Donc, chez les médecins, je crois. Oui, c'est ça. J'étais un couple. Parrain, marraine et tout. Bon, donc, je me souviens pas. Je sais qu'un jour, bon, il y avait maman et mon frère. Bon, c'est tout. Et je me souviens même, je me disais, tiens, mon frère, est-ce qu'il faut que je l'appelle Jean ou Jeannot ? Je ne savais pas trop bien. Donc, comment voulez-vous que je parle d'un père ? J'ai pas pris conscience de ça. Mais, bien sûr, beaucoup plus tard. Mais après, ma mère, je sais qu'au fil des années, je dis, bon, peut-être qu'elle veut m'en parler. Et à chaque fois, j'allais en tournée, par exemple, en Alsace. Ton père est alsacien. Ma fille naît avec tes yeux bleus. Ton père avait les yeux bleus. Enfin, des petites choses comme ça, toujours, et jeter comme ça. Vous l'avez vu, ce père ? Bah, j'ai pas pu le voir, non. Puisqu'il est mort. J'avais un an et demi, donc je l'ai vu, oui, mais je m'en souviens pas. Il vous a manqué ? Eh ben, il m'a manqué sur le tard, c'est-à-dire il m'a manqué quand j'ai eu 40 ans. Oui. À 40 ans, il m'a manqué, et je sais pas pourquoi. Mais Annie Girardot, c'est une vie quand même assez extraordinaire que la vôtre. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont, comme vous, un destin. Moi, je le disais tout à l'heure, lorsque nous nous sommes rencontrés, là, avant de commencer cette conversation... Je regrette un tout petit peu, mais le livre n'était pas encore sorti des presses. Je regrette que vous n'ayez pas rencontré chez mon ami Pivot à apostrophe Kirk Douglas. Ouais. Car je l'ai vu l'émission d'ailleurs. Tous les deux. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais prendre moi quand je vais sortir ? Non. Mais vous imaginez ce que vous auriez pu vous dire tous les deux. Oh. Vous savez que on se comprend bien entre les comédiens. On est quand même rigolo quand même. Parce que c'est vrai je pense que même ça m'a aidé, hein, vous savez, pour écrire. C'est que je suis comédienne, c'est que je sais comment on traite un texte. Je veux dire, un texte, j'en ai eu. Comment on installe un dialogue aussi. Oui. Comment, par exemple, je sais que j'étais très difficile, parce qu'il faut, dans l'imprimerie, vos impressions, machin, on me détruisait. J'ai dit non, vous me mettez ça, parce que c'est aussi de la musique, c'est-à-dire qu'il y a un rythme. Tu atteins quelqu'un, le summum que tu peux faire, c'est-à-dire qu'il y a un chemin à faire, paf, tac, mi, bom, bom, ça y est, tu l'as. Eh bien, je l'ai voulu aussi dans l'écriture, parce que je pense que sinon, on ne m'aurait pas comprise. Oui, d'ailleurs, je donne un exemple, et c'est toujours par rapport à votre père, vous vous posez la question, mais c'est mon père. Maman, pourquoi me l'as-tu caché ? Je ne l'ai pas fait exprès, ma jolie. Je ne savais pas comment te le dire. Excuse-moi. Mais t'excuser de quoi, maman? Bon, il avait un autre foyer. Nous avons subitement 3 frères et sœurs, et alors? C'est plutôt rigolo. Tu croyais que je te condamnerais? Et ça, on sent le dialogue tout de suite. Bien sûr. Mais en même temps, on y met beaucoup de son âme, beaucoup de son cœur. Et vous pouvez, dans le même temps, peut-être vous reprocher, Annie Girardot, d'avoir manqué aussi à votre fille, à un certain moment. Oui, mais c'est pas de la même façon. Non, parce que je, quand même, je suis vivante. Hein. Non, oui, mais peut-être pour d'autres raisons. Lorsqu'on n'est pas vivant, sûrement, on a des excuses. Sûrement un problème avec des enfants. Je veux dire qu'on a, je pense... On a encore maintenant un amour exagéré. C'est-à-dire que quand j'avais envie, peut-être parce que elle m'a manqué quand même. On a quand même un dessin quand même curieux, parce que ma mère quand même, elle m'a pas eu toute petite. Moi, ma fille toute petite, elle a été toujours éloignée. Et ce que je trouve le plus important, c'est quand même le cordon ombilical, c'est l'enfant et la mère. Et ce sont pour moi des notions très très graves. Bon. Et donc de m'avoir privée pour des bêtises. Mais de pas avoir ma fille comme je voulais. Pourquoi j'ai toujours voulu un enfant après, parce que je me suis dit non. Et ma fille a eu une petite fille là maintenant qui va avoir 4 ans. Je lui dis mais qu'est-ce que je l'envie. Elle est là, elle peut l'amener là. En ce moment elle est à l'île Maurice, elle l'emmène quand elle veut. Elle peut. Et j'aurais tellement voulu faire ça. Une vie de famille. C'est pas une vie de famille, c'est que brusquement il y a quelque chose qu'on a envie, qui est à soi, il était dans son ventre, on a envie. Bon, il est évident que Julia sûrement a souffert non. Pas tellement de notre séparation, enfin qui n'était pas une séparation, parce que finalement, j'allais toujours à Rome, lui venait à Paris, donc il n'y a pas de problème. C'est pas ça quand même, elle est intelligente quand même. Mais c'est que elle avait un petit peu tout en double. Et finalement, elle aurait voulu profiter de quelque chose, et il y avait toujours quelque chose qui manquait. Voilà, moi aussi c'est ma vie un peu, il m'a toujours manqué quelque chose. Moi je me souviens, j'étais à New York, un jour je rentrais... Je venais du film de Lelouch, et je me suis trouvé perplexe. Je me suis dit, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends l'avion pour Paris pour voir maman et ma maison? Est-ce que je prends l'avion pour Milan parce que ce sera plus court pour aller voir Julia? Ou alors je prends Rome et je vais voir Renato? Je veux dire, c'est quand même pas banal. Vous voyez? Eh ben, c'est ça. C'est ma fille, ça a dû être un peu pareil. Alors, il y a également toutes les tendresses que vous avez pu avoir pour vos princes charmants qui s'appelaient Gary Cooper, Kieron Power et Robert Mitchum. Ouais. Et alors là, vraiment, quelle absence, quel manque de jugement. Mitchum vous dit, viens, je pars pour Londres, j'ai rendez-vous avec ma copine Ava Gardner. Plus, j'adore cette femme. Viens avec moi, et vous n'êtes pas parti. Eh ben non. Vous pensez que ça aurait été un tournant de votre vie? Je sais pas. Mais je sais que de toute façon, c'était un joli chemin. Mmh. Et en plus, vous dites quand même, je ne suis pas parti, et je le regretterai toujours. Toujours. Je regrette, oui, les choses que... J'aurais dû penser à moi, vous dites. Oui. Je pense qu'une femme peut... En effet, il faut que je leur dise aux femmes, il faut pas qu'elles oublient ça. Mmh. C'est que, finalement, la femme, on se fait toujours passer après. Alors, bon, je veux bien, après l'enfant, après le mari, après le machin, après le boulot, après le ménage, enfin, bah, je veux bien. Mmh. Mais à un moment donné, comme tu meurs tout seul, tu es né tout seul, à un moment, tu t'octroies quelque chose, comme ça, pour toi, qui n'a rien à voir avec ton enfant, oui. Et ça, la femme n'est pas habituée à ça. Alors, je leur glisse quand même dans les esgourdes, quand même, qu'elles écoutent. Et puis vous l'écrivez, c'est pour cela que ce livre ne ressemble pas aux autres, c'est parce qu'il y a des phrases qui intéressent tout le monde, ça n'est pas seulement, je veux dire, un condensé de la vie d'une comédienne. Faut conscience d'elle-même, oui. Alors, vous avez écrit ceci, donc, par rapport à Mitchum, « Je ne suis pas parti, je le regretterai toujours, j'aurais dû penser à moi. Tracer mon chemin, qui n'était pas seulement celui de ma fille, ou de ma vie de tous les jours, oui. » Il y a un moment dans l'existence qu'il faut accomplir pour soi-même. Voilà. C'est ce que les hommes font parce qu'ils en ont toutes les possibilités. Ils peuvent aller à Uéadia, ils brûlent leur liberté. Ils n'en profitent même pas. Nous, on en profiterait mieux, vous dites. Les hommes sont libres, nous ne le sommes pas, écrivez-vous. La liberté la plus belle est celle que l'on s'octroie, la seule qui nous équilibre. J'ai raté un beau voyage, mais j'en ai réussi d'autres. Comme quoi, si l'on rate... Oui. Eh bien, on est sûr qu'il y aura un train après, quand même. Oui, il y a beaucoup de correspondance. Bien sûr, oh, mais oui, plein. Mais, de toute façon, quelque chose qui était bien bon, comme ça, tu sais pas. Peut-être que tu vas à l'enfer, ça m'étonnerait, mais enfin, de toute façon, même si tu vas à l'enfer, faut y aller. Voilà, c'est ça que je dis, moi. Mais Madame Marguerite a été quand même un moment très important de votre vie, parce que, vous le dites, les spectateurs étaient mes élèves. D'abord, vous étiez seul. Oui, être seul en scène. Les spectateurs étaient mes élèves. À un moment, je descendais dans la salle et je les regardais. Ils n'aimaient pas trop. Ils étaient enfouis dans leur fauteuil, paniqués. Ils ne savaient plus où ils étaient. Mon Dieu, elle va me faire monter sur scène. Et même, à un certain moment, à la Générale, j'ai vu le fameux critique, écrivez-vous, Jean-Jacques Gauthier, qui faisait la pluie et le beau temps au Figaro, en train d'écrire le nez sur sa feuille. J'avais envie de lui crier, regarde-moi, tu ne vois pas que je suis en train de crever? Lève la tête, écoute-moi. Vous les regardez, les critiques, depuis la scène? Non, c'est... Il est vrai, à ce moment-là, on les connaissait. Tu peux pas voir le public. Ouais. D'ailleurs, c'était une chose assez difficile. C'est que la scène n'était pas dans le noir. Le public n'était pas dans le noir, justement. Mais finalement... Il faut passer outre, il faut que tu vois des gens et il faut pas que tu suis ta ligne à toi, mais je leur parlais vraiment comme à mes élèves, comme j'aurais pu parler à un figurant qui était là à côté ou à mon élève, parce que à un moment, mais je normalement au théâtre je veux voir personne, mais pas forcément un critique ou quelqu'un, ou même quelqu'un que j'aime, je ne peux pas, mais je sais qu'ils sont là. Et je les regarde de l'intérieur, c'est mieux, parce que je les sens, je les respire, et je leur donne, et je leur souffle plein de trucs. Justement parce que je ne les vois pas. Mais il y a une pédagogie quand même. Je me demande pourquoi vous n'avez pas inventé, pourquoi vous n'avez pas monté une école, enfin, le cours à Annie Girardot oui. pour faire passer, bah écoutez, je l'ai fait faire passer ce demandé. Que vous aimez. On me l'a demandé, bon, j'étais libre à ce moment-là, et je l'ai fait à un moment à l'Olympique, je l'ai fait pendant un mois et demi, puis je l'ai refait après en Italie. Et alors là, déjà que j'ai pas beaucoup de temps pour faire les choses, et alors là, c'était encore pire. Parce que je sais pas mon métier, mais alors celui-là, il te laisse pas bouffer les mômes. Il te croque tout cru. Allez, hop. Et puis, je commençais à 2h de l'après-midi, je finissais à 11h du soir. Et puis, en plus, ils te téléphonaient et tout. Et en même temps, tu n'as pas le droit de leur faire. Et tu as envie de leur donner, tu as envie tellement de leur dire des trucs. Qu'à un moment, tu dis, mais merde, il est là, j'ai pas bouffé. Vraiment. Et là, je crois que non. J'aime bien de temps en temps. Mais par contre, ça m'amuse, comme ça, de temps en temps, de dire, tiens, tu vois, tu marchais là, tu enlèves la petite herbe là qui est là, elle t'emmerde là. Allez, hop, là, tu passes juste tout droit, tu vois, hop, là. Et tu vas voir, c'est mieux. Et ça fait plaisir de voir que, hop, ils le font. Il n'y a aucun trou dans votre carrière. Il y a eu des moments. Oh, plein de trous. Non, des moments où vous n'avez jamais été au chômage. Mais si! Mais je l'étais complètement, et comme une andouille, je savais pas qu'on pouvait toucher des sous. Alors vous le croyez ça? Et puis maintenant, c'est trop tard. Après quand j'étais à Mouscaille, et après c'était à quel moment ça? Et ben j'ai arrêté de travailler. J'ai eu régulièrement parce que les films ça marchait pas. J'ai eu du travail comme ça par à coup. J'ai eu toujours des renouveaux. Il y a des années où il y a 4 ou 5 films. Écoutez, j'ai arrêté donc après l'histoire du Casino de Paris. Donc j'avais arrêté en 82 et j'ai tourné. Un film, j'ai tourné un film en fin 84 avec Lelouch. Et puis, Adieu Blaireau, l'ai fait. Et puis après, j'ai plus rien fait. Et j'ai retourné. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu à la télévision, par la télévision. Mais non, j'ai pas tourné. Et à ce moment-là, avec tout ce que j'avais fait, j'aurais pu gagner plein de sous. Et on me l'a dit, oh là là, si seulement vous étiez venu hier. Je suis pas venu hier. Et j'ai touché nada, quoi. Annie Girardot, quand même, l'histoire du Casino de Paris, qui était un spectacle tout à fait particulier dans votre vie, vous poursuit parce que vous l'écrivez. Je suis fatigué d'être en avance. Oui. De semer les petites graines que vous utilisez mal et vous parler aux journalistes. Vous êtes sourd. Aux écotiers. Vous êtes sourd et vous n'entendez que la grosse caisse. Je dis cela aux journalistes véreux et autres ramassis. S'il y a eu échec au Casino de Paris, il est le vôtre. Parce que le spectacle, vous ne l'avez pas vu. Vous parlez à tort et à travers. Vous n'êtes pas humain. Vous êtes dangereux. Avec vous, ça ne sert à rien de montrer patte blanche. Vous êtes les ramines grobis de notre profession qui n'est pas la vôtre. Ne confondons pas. Ouais. C'est-à-dire que vous avez osé votre colère. Vous l'avez mise en page. Oui, complètement. Hein? Mais complètement, parce que où je la dis, maintenant, où je ne dis rien. Moi je suis très bien, tout va bien. Mais à un moment donné, si tu y vas, si tu, toi, te mouilles toi-même dans ma vie, parce que vous croyez que de dire de ma mère que ceci ou que ça, bon, c'est pas des choses, je lui ai quand même demandé. Je veux dire, il y a quand même une pudeur à avoir, et à un moment, si tu dépasses ça, c'est-à-dire, c'est impudeur pour moi, et au contraire très belle, justement. Parce que d'abord, c'est mon moyen et ma façon de dire à maman je t'aime. Pour faire ce qu'elle a fait. Je veux dire, par rapport à des tachos, je vois des bonnes femmes, on fait ça. Et je dis, merde, ma mère, elle a rien dit, et ce qu'elle a fait, et ce qu'elle m'a donné. Je veux dire que, à ce moment-là, il faut dire ce qui est arrivé pour dire, voilà. Vous comprenez, c'est pour, au contraire, lui donner raison pour la bénir encore plus. Elle doit être heureuse de tout ce que vous dites. Oui, je crois, oui. Mais elle est tellement timide, tellement... Oh, ma jolie. Mais elle a entendu. Bien sûr qu'elle a entendu. Vous seriez heureuse que Julia parle de vous comme vous parlez de votre mère? Oh, maman, ma fille, elle part et tout, mais bon, c'est pas maman, mais c'est celle qui sera après moi, quoi. Allez, Girardot, tout à l'heure, nous avons parlé d'un certain nombre de films, et bizarrement, vous avez oublié Tendre Poulet, et vous avez oublié Docteur Françoise Gaillant. Si, si, je le dis, puisque je dans dis... Dans le livre. Oui. Ah, dans le livre, ça y est. Oui. Tendre poulet, oui, la vieille fille, docteur Françoise Gaillant. Là, c'est dimanche. Non, j'ai dit tout à l'heure de Broca, je voulais dire de oui. Tendre poulet, et puis l'accusé de Jupiter, et puis Françoise Gaillant, c'est sûr que je me suis battu pour ce film, oui. Le cinéma souffre, dites-vous. Il manque d'amour. Le manque d'argent, on fait avec. Il manque d'amour. Oui. Vous le pensez? Oui. Oui, je pense que c'est vrai que... Si on avait un petit peu plus d'indulgence, parce qu'au fond, oui, c'est vrai que des difficultés, on en a tous. Mais c'est comme pendant la guerre. La guerre, les gens s'entendent bien, comme c'est curieux. Tout va bien, tout est possible. Le jour où il n'y a plus la guerre et tout loin, et d'un seul coup, tout le monde tue à U, à Dia, et on n'arrive pas à s'entendre. Bon, c'est ça que je veux dire. Vous dites aussi, dans un film, je sais ce qui va fonctionner, je sais où et quand il va toucher le public, je sais comment viser la cible et taper dans le mille. Ouais. Il n'y a qu'un acteur pour sentir cela. Complètement. Vraiment. Complètement. Même pas le producteur, même pas le metteur en scène. C'est impossible. Même, même pas l'auteur. Hein. Non. Sauf quand si même, c'est l'auteur et moi. Oui, mais quand même, dire. Vous dites aussi que Claude Lelouch est le seul metteur en scène qui m'ait donné l'occasion de m'exprimer. Donc, bah, c'est-à-dire des... qu'il m'a laissé libre. C'est-à-dire que normalement, un metteur en scène, ça te donne... Bon, tu as... Bon, j'ai pas éprouvé ça, ni avec De Broca, ni même avec Kayat. Moi, je l'ai pas éprouvé ça. Enfin, au départ, oui, il y avait des metteurs en scène qui disaient non, il y a virgule, il y a ceci, il y a cela. Bon, il se trouve qu'ils avaient raison peut-être, parce qu'à ce moment-là, on avait des dialogues bien établis, etc., et très beaux, qu'il fallait respecter. Et d'ailleurs, moi, je suis pour respecter toujours le texte. Je n'aime pas les acteurs qui... non. On dit, on respecte un texte. Parce que d'abord, c'est mieux pour toi. Vous n'abîmerez jamais Molière. Ah, c'est impossible ça, on peut pas, ça merci, se parle. Merci. Oui, non, non. Et donc, voilà, c'est tout. L'acteur, il attend poliment qu'on vienne le chercher. Et quand personne ne le demande, il reste seul, seul à en pleurer. Oui. Donc, c'est une manière de marquer ce temps du silence, cette traversée du désert. Hein. Soit c'est terrible ça, lorsque le téléphone ne sonne pas. Oui, oui, mais enfin déjà... Mais quand il sonne pour ne rien dire, c'est pire aussi. Mais enfin, il y a un moment, on se sent inutile, quoi. Je veux dire, à un moment, moi, j'ai toujours besoin de me dire, bon, eh ben alors, on est inutile, donc, où est-ce que je pourrais fonctionner que ça marcherait normalement? C'est ça. C'est mon désir. C'est parce que sinon, l'arrêt, pour moi, je dis la mort, je veux dire la mort. C'est-à-dire que t'as plus envie de rien, quoi. Et ça, je n'aime pas ça. Voilà, je n'aime pas l'apathie, je n'aime pas le... Bon, de temps en temps, tu dis, oh, ben, je vais faire une bonne sieste, ah ben oui, je suis fatigué, Bon, alors t'es apaisé, tout va bien. Mais après, t'as toujours envie de virguler, quoi. Mais t'as envie de bouger, c'est sûr. Et quand tu... Si les gens n'ont plus envie de te voir ou qu'ils n'ont plus envie de t'écouter, alors à quoi ça sert, je veux dire, tu vas aller dans les rues pour dire, ah, mais on t'écoutera même pas. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que... Bah, je pense que, bah, que ça m'a manqué, quoi. Puis voilà. Et puis ça m'a manqué parce que je comprenais pas pourquoi. Voilà. Et puis j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais en tout cas, je peux vous dire que je suis là. Et puis que maintenant, je sais pourquoi je suis là. Voilà. Alors, on peut se demander quelle actrice vous êtes. Parce que vous dites de Lino Ventura que lui est un acteur d'instinct, quoi. Il est né. Acteur. Complètement. Il n'a pas fait ses classes, pas de conservatoire. Non, mais il faut pas les faire non pas plus. Pas de cours. Non. Ah, vous pensez qu'il ne faut pas faire des classes? Bah non, moi j'étais au conservatoire et bon, j'avais une trouille noire. Et à chaque fois qu'il fallait passer un cours, je me rappelle, je me cachais sous les tables et tout. Et il y avait Roland comme ça qui arrivait. Il dit alors Annie. Et alors c'était à peu près. J'arrivais pas toujours à me planquer quand même. Et alors je passais toujours la même scène parce que ça m'ennuyait, parce que je n'apprends pas. Parce qu'à ce moment-là, t'es sur la sellette, à ce moment-là, tu comprends rien, t'es sourde, tu sais pas ce qu'on te dit. Alors après, tu pleures, puis tu. Mais c'est bien. Par contre. J'aimais bien regarder les autres, et j'aimais bien ce que disait le Roland, et puis je regardais, et c'est comme ça que je comprenais les choses. Et puis après, moi, mon petit travail, je prenais le métro, mon autobus, et quand j'entrais boulevard d'Avoux, hop, je me disais, et je répétais mon texte, toute seule. Et j'attendais qu'il me vienne naturellement, et non pas avec des théories. Et c'est ça que j'ai eu de la chance au conservatoire, c'est que j'ai eu Roland, qui est très tactique, comme ça, etc., très précis, mais très... Et puis c'est avec lui que j'ai joué Marivaux quand même, c'est très difficile Marivaux, c'est très, mais c'est pour moi une joie. Et j'ai eu aussi Georges Leroy pour la classe d'ensemble, qui lui était la folie, et qui me disait toujours, Annie, l'étonnement, n'oublie jamais ça, tant que tu seras étonnée, et c'est vrai, il faut même être étonné des saloperies, il faut être étonné, il faut en prendre plein la gueule, mais il faut avoir l'étonnement. Voilà, c'est non seulement que tu as l'enfance, mais c'est que tu as tout. Tu as tout, tu possèdes tout. À partir du moment où tu peux t'étonner d'une merveille, ou même t'étonner qu'on puisse aller aussi loin dans l'horreur. Voilà, c'est ça l'étonnement. Mais ça, j'ai eu deux professeurs assez formidables. Étonne-moi, disait Diaghilev à Cocteau. Étonne-moi. Étonne-moi. Les étonnements, oui. Alors quand même, Annie Girardot, il y a une chose qui m'a gêné dans votre livre. Ouais. Quelques petites lignes. Vous dites... Ce qui est important, c'est de faire ce que l'on a envie de faire, c'est vraiment d'avoir sa propre jouissance, comme faire le marché, faire les courses, être une femme comme les autres. Et puis vous ajoutez, se lever quand on a envie de rester au lit, c'est gagner de la vigueur. Faire son ménage, laver ses petites culottes avant de partir au boulot, c'est se préserver. Quand tu fais tout ça, eh bien le cancer, tu ne l'attrapes pas. Ouais. Ça, c'est un peu gênant. Pourquoi ? Parce que on l'attrape quand même. Non. Non, moi je dis que non. Je veux dire, comme je dis, j'ai mis la muraille, moi, avec le mal qui peut arriver. Il faut le mettre en permanence, mais doucement, avec un sourire. Mais c'est sûr qu'on peut, tu peux, avec la volonté, tu peux te guérir. Bon, il y a des, je veux dire, où t'es handicapé, ou alors tu as un accident, je veux dire, on peut pas faire grand-chose. Bon, mais la maladie, elle vient pas seulement à partir du moment où ça se déclare. Elle vient avant. Elle vient parce que tu lui as donné tu lui as fait le terrain, tu lui as fait bien la place pour qu'il vienne bien celui-là. Eh ben non, justement, il faut le refuser. Et quand je dis le rayon laser, c'est-à-dire qu'il faut dans ta pensée, dans tes petites cellules, tu dis ça, il ne rentre pas chez moi. Ça c'est de la merde, j'en veux pas. Et il est évident, quand je dis à ma fille entre autres, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, parce que ça peut t'arriver comme ça, on sait pas. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, plus qu'avant, il arrive plein de choses parce qu'on est tellement pollué, tout ça, tout va trop vite, tout machin, on ne sait plus, on mélange tout dans le ciment, tout ça est mélangé. Et à un moment, on n'a plus très bien la notion des choses ni du parcours. Et je l'affirme. Si moi je dis non, il ne peut pas marier parce que c'est pas possible. Je ne veux pas. Par contre, il peut me tomber une casserole sur la tête ou passer sous l'autobus. Ça, oui. Voilà. Mais quelque chose qui va venir en toi, que tu vas nourrir, toi. Parce qu'on a tous les microbes en nous. Je pense que, justement, pas seulement un truc physique, mais je pense que même, et ça j'ai connu quelqu'un, qui a eu une souffrance morale effrayante. C'est pourquoi je la veux pas, la souffrance. Je la rejette, comme l'ignominie, je la rejette. Parce qu'elle peut, comme un bouillon de culture, là, ça fermente. Voilà, je ne le veux pas. Et il faut refuser ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et tu vas être saine. Sinon, j'ai connu une femme comme ça, qui a eu un chagrin d'amour effrayant. Elle est morte en 2 mois. Mais parce qu'elle s'est laissée mourir. Elle s'est suicidée, oui. De la vigueur. Mais non, c'est qu'il ne faut pas laisser ça. Oui. Je veux dire, ta souffrance. Mais c'est pas haut les cœurs, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Il faut pas laisser ça. Voilà. C'est alors, au départ qu'il faut penser à ça. À la fin du livre, il y a encore ces quelques phrases, Annie Girardot. J'ai attendu 50 piges, mais nom de Dieu, que je suis prête. Vive la vie. Et vous dites. Et belle la vie. Ouais. Libre enfin d'écrire. Vous pouvez revendiquer votre liberté de faire votre cinéma, vos dialogues, d'être votre propre auteur. Et vous dites de ne plus avoir besoin d'emprunter l'écriture de Ionesco, d'Audiard, mais de toucher le public avec des mots bien à moi. Et c'est presque comme un engagement pour écrire encore un autre livre. Peut-être, oui. Ah ouais. Sûrement. Oui, parce que la musique, l'écriture, c'est comme la musique. Ça t'entraîne au-delà, ça te déshabille. Et puis vous terminez avec ces 3 lignes. Liberté, je m'abandonne à ton bon plaisir. Viens, ma porte est grande ouverte, tu sais où me trouver, j'habite à 3 larmes d'ici. C'est beau, là, c'est... Ah oui. Ça, c'est une phrase d'écrivain. Hein. Ah ben, ça fait très plaisir. Merci, Annie. Oh, merci à vous. C'était Radioscopie de Jacques Chancel. Il recevait sur France Inter la comédienne Annie Girardot le 28 avril 1989. Une émission retravaillée par Stéphane Combe, demain à 23h15, sera rediffusée à l'occasion du 70e anniversaire du Festival d'Avignon, la radioscopie de Jean Villard.